Activité 10. 1. C'est Pauline. Dimanche, Tom fait du tennis. Moi, je vais à la piscine. Est-ce que tu veux venir avec moi? 2. Salut, c'est Jean. Je vais au cours de dessin ce soir. Et toi? Après, on peut aller au cinéma avec Julien. 3. C'est Eric. Julie ne va pas au cinéma, elle va au théâtre. Moi, je ne sais pas, je vais regarder la télévision. Et toi ?